À l'occasion du mois de la lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, l'Association russe pour l'amitié et la coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée a publié le 25 juin une déclaration qui témoigne du soutien et de la solidarité à la lutte juste du peuple coréen pour la souveraineté et la réunification de la patrie. Par ailleurs, le Comité national d'études du kim-il-sungisme-kim-jong-ilisme du Nigérien a inséré le 22 juin dans leur homepage d'Internet l'article titré « La leçon de la guerre de Corée, la puissance des États-Unis n'est point omnipotente ».